Je dis, on a continué dans le voyage-là. La dernière fois, nous avons été dans Colossiens chapitre 2, verset 8, qui dit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Fais un peu attention pour ne pas quitter yololono, pour yovaleno, par la philosophie ou par des vaines tromperies. Il y a fait yo sous la tradition des hommes, sous bagaille dans le monde là et non sous Christ. Texte là dit non, prends garde, fais en pile attention pour ne pas quitter yo lolo pour yo valer nous. C'est ça qui est important pour nous qu'imbé dans le texte là. Fais en pile attention pour ne pas quitter yo lolo pour yo kalala nous. Et pas oublier moyen que bon Dieu bat nous pour nous éviter ça. C'est la parole de Dieu qui c'est lui-même qui âme qui pour permettre nous éviter toute et ruse malin parce que faut que nous yon là pas oublier que malin âme ils sont ces gagnants pour travail par là c'est des ruses c'est des tromperies. Fais attention pour ne pas quitter au prénom par la philosophie. Qui sa philosophie a yé en réalité? Philosophie, c'est une doctrine, façon de voir des choses, façon de penser que nous traînons, maintenant que les hommes arrivaient à développer, à force de développer, yo enseigner, yo enseigner, yo redévelopper, yo enseigner, nous venons habitués avec yo, nous venons habitués avec yo. Finalement, les vins fait ça nous relève une philosophie. Donc, c'est une façon de penser. Donc, ça vient faire ou penser comme ça. Même quand des fois, ou pas aller dans la racine nan pour qu'on source là, mais à force, ou elle devant, ou tant de bagay là, ou elle devant, ou tant de, ou habitué avec elle, finalement, elle vient tourner ça, il y aurait une philosophie. Et ça, la Bible là, dans le contexte, ça parle relais philosophie, c'est justement des doctrines des hommes, des choses que yo croient et yo créé. Toute une façon de penser, toute une religion. Donc, si nous voulons comprendre là, philosophie a, dans le sens la Bible là, nous sommes capables de lire religion, Jean nous voyons kounye. C'est un système qui gagne des croyances et façon qu'on croit, gagne toute une tradition la donne. C'est comme ça, ancien yo te kwel, c'est comme ça, grand moi te kwel, c'est comme ça, famille te kwel. Donc, c'est la donne moins levée, c'est les m'a continué faire. Donc, c'est pour ça, texte là dit, nous, fais attention, parce que gagne un gros piège dans ça, non capable quitter, non tourner, un poids. Chaque poids, c'est un coup, et, on bête qui connaît chasser yo, voyons l'autre petit petit devant, donc la chasser justement pour le capable et manger. Donc, fais attention pour ne pas tourner juste un petit poids dans la bouche, gros et bête méchant yo, qui par la philosophie, par des vaines tromperies, texte l'a dit, qui par gagné à voir avec la parole de Dieu, mais qui appuyé sous tradition, yo capable de drainer nous loin de parole. Donc, faut que nous fassions pile attention. Comment pour nous faire attention ça? Les différents, ça bon Dieu pensait et ça pensait que bon Dieu pensait. Bon, on va prendre ça encore. Les faciles pour nous comprendre. Ça, la Bible a dit, c'est ça bon Dieu pensait. Sa bon Dieu pensait, c'est sa Bible a dit, les différents de ça ou monde d'où bon Dieu dit. Ça veut dire, lorsqu'on dit bon Dieu dit tel bagaille, c'est pour prendre Bible là, vérifier. Qu'est-ce que ça? Chaque ça moins dit ou là, si ou pas capable prendre Bible là bon côté pour prouver samedi ya, pour lire verset donc l'aime by verset ya, prend verset ya ou même ou lire pour well dans yo met yo sous lit tout autant pas qu'à vérifier la Bible là qu'embel comme un commentaire c'est pas parole bon Dieu et dans une étude nous avons déjà dit si la Bible pas dit bon Dieu pas dit et ça pas engagé bon Dieu dans action. Donc fais attention des fois yo dit nous ça yo quoi au lieu de ça bon Dieu dit. Faut faire plus attention. En pile fois nous tomber dans ça yo quoi bon Dieu dit qui différent de ça bon Dieu dit. On va prendre ça. Ngedwado, moi quoi bon Dieu dit tel bagay. Ça pas vle dit parce que moi quoi bon Dieu dit là, c'est ça lié. Ça vient faire déjà mettre un petit point là bas côté nous lorsque nous voyons une doctrine qui commence par nous croyons que faut faire un peu attention pour nous vérifier que est-ce que c'est sa Bible a dit ou bien les chefs religieux, nos chefs religieux, nos penseurs, nos traducteurs pensent que faut faire attention là nous capables en face de une pensée de yon humain, yon pensée de yon système, yon pensée de yon religion au lieu de sa Bible a dit. Donc n'ap travail pour que nous capables en mesure pour détecter nous-mêmes sa Bible a dit. D'ailleurs, c'est ça Jésus mandé nous pour nous faire. On va aller dans Luc 12 verset 57. Luc 12 57, Jésus dit: et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Gardons verset. Moi toujours dit verset ça, chaque fois qu'on va juger devant bon Dieu, quelle que soit excuse qu'on va paraître là, verset ça, la panique paraît devant vous. Pour qui raison ou même ou pas discerner peut-être tout ça qui est juste là. Et nous avons déjà dit ce qui est juste. Juste là, veut dire ça qui est correct, là, ça qui est droite, là, ça qui est convenable. Et qu'est-ce qui est correct? Ce qui est correct, c'est ce que la Bible dit. L'apôtre, ou du moins, David, pral dit, tes commandements sont justes. Tous tes commandements sont justes. L'apôtre Paul, tout pral dit ça. La loi est juste. Les commandements de Dieu sont justes, sont spirituels, sont bons, sont parfaits. Donc, si on a besoin de déterminer ça qui est juste, c'est aller prendre la Bible là, qui c'est moyen ça que bon Dieu ban moi. Et donc, il faut nous voir que l'apôtre Pierre, pour aller lire la Bible là, une lampe qui sûre pour éclairer nous dans les ténèbres que nous y est aujourd'hui. Donc, Jésus dit, pour qui raison nous, pas nous-mêmes, discerner, ça veut dire identifier, reconnaître ça qui est juste là, ça qui est correct là. C'est responsabilité nous pour nous détecter ça qui est correct là. Pour qui raison? Parce que bon Dieu ba nous occasion pour nous apprendre li. Li ba nous occasion et privilège pour nous connaître li. Nous kalil, nous kon lil, donc faut nous discerner de nous-mêmes ce qui est juste. Nous connaissons déjà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque vous connaissez la vérité, ou qu'à discerner que ça c'est parole bon Dieu, qui sont faits ou rete reposer sous sa parole bon Dieu a dit ya, et bam dou bagay depuis ou rete reposer sous sa parole bon Dieu a dit ya, automatiquement tout gouvernement bon Dieu a d'ailleurs pour bon backup parce que Jérémie dit je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bon Dieu dit Jérémie ou bien ouais parce que moi-même j'aime toujours sous parole moi côté il y a enseigner parole moi côté y a appliquer parole moi pour me capable exécuter parole moins. Donc m'ba nous garantie alors Jésus dit non, discerner de nous-mêmes ce qui est juste, prends Bible nous chercher le joindre ni et rester sous lit parce que à partir de ce moment nous en mesure pour nous joindre backup que gouvernement ciel là pral porter pour nous. Nous pral lire dans Jérémie chapitre 36. Jérémie chapitre 36 verset 6 en nous chercher le moment. Jérémie chapitre 36 verset 6. Jérémie 36, verset 6, il dit, tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Alors, son verset Goneg. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel. Allez où même? Jérémie, te bail conseil ça à Baruch. Li dit li, ou songez? M'te rete m'abdou ou seye de bagay pou ekri nan livre kounya ou même ale. Nan livre sa, ale personnellement pou a li parol l'Éternel yo. Lil nan zorey tout moun. Lil nan zorey tout moun ki soti nan Juda. Lil nan zorey yo dan la maison de l'Éternel. Se yon nan raison pou sa nan l'Église. Pou ke nou kapab tande parole là que vous venez lire dans oreilles nous. Vous venez porter parole là pour nous parce que pas oublier par les oreilles en entendant la foi par le produit. Mais ça qui est important pour nous hein, pour nous être dans l'idée de Jésus hein. Jérémie dit allez où même dans le livre là. Allez où même allez dans le livre là à l'île. Toi-même, tu iras toi-même et tu liras la parole de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel. Zamim, quel que soit ce que vous voulez décider dans la vie, tout ça qui gonnait pour envie contre qui ça pour faire la donne, conseil que nous avons aujourd'hui, hein, allez où même dans la Bible là. Allez où même, tu iras toi-même, tu dois, allez, faut où river, détecter où même ça qui correct là, ça qui juste là. Et qui ça qui juste? La parole. Pas oublier, parole bon Dieu, là. C'est lui même qui dernier niveau, là. C'est lui qui limite là, c'est lui qui dernier mot, là. C'est lui qui juste, qui correct. Depuis que besoin de nos bagailles qui juste c'est parole bon Dieu allez mettre main sous lit c'est lui-même qui pral permettre moins avancer. On va aller dans Isaïe Konya. Isaïe chapitre 34 verset 16. Isaïe 34 verset 16. Gardons l'autre texte qui dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Bon Dieu par contre ça pour dire nous encore non, là, lit trop clair avec nous. Qui ça le dit? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Mais c'est ça a bénim. Allez dans parole là, consultez livre l'Éternel là. Consultez le livre de l'Éternel, allez la donne et lisez. Nous gagnons pour nous des outils pour nous entrer et étudier la Bible. Mais un des principaux outils de étudier la Bible, c'est la Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Mon consulter, Son mot hébreu, dans tout songer, me parler non de moi son beau kit lié. Mais l'homme prend mot consulté ya dans hébreu ya, c'est un mot d'arrache. Livre dit dans le mot kit là pour nous tout ça la donne. Livre dit chercher. Wow. Livre dit chercher. Livre dit étudier. Livre dit suivre. Livre dit s'enquérir. Livre dit exiger. Livre dit fréquenter. C'est dans un lieu m'a fréquenté. Fréquenter parole là. Habiter beaucoup de paroles là. Fréquenter. T'as coup, yon lieu m'a fréquenté. Moua, oui. Mou qui dit me consulter, il veut dire tout ça. Livre dit réclamer. Livre dit sonder. Nous comprenons Jésus pour le dire plus tard. Vous sondez les Écritures. C'est consulter, rester là-dedans, habiter beaucoup de l'île, étudier, suivre, pratiquer, chercher, informer au delà, chercher tout son besoin de là-dedans. Prendre à cœur, mon autre baïen en bokit là. Consulter le livre, c'est prendre le livre là à cœur. C'est veiller le livre là. Veiller à ce que ou pas quitter aucun petit trou pour yon vin fourre yon philosophie, yon doctrine, yon bagay qui pour troubler ou. Consulter le livre d'arrache. Avoir recours. Ah, ça veut dire, l'on besoin de recours, courir dans le livre là. Ou besoin de conseil à la donne. Ou besoin de direction à la donne. Chercher, exiger, ou besoin, ou réponse, par exemple, ou un problème finance là. Bible à dou, pas prêter. Bible à dou, pas mander prêter. Maintenant, faut exiger Bible là, qui j'en faut joindre l'argent besoin là. Exiger, li dou consulter le livre là, exiger, c'est dans sens ça dou exiger, mandel, c'est sous Bible là vous baille pression, hein. C'est pas sous aucun monde, c'est pas sous dette poil baille pression, c'est pas sous outil job crasé je vois, non, exiger, de consulter le livre de l'Éternel et lisez. Chercher avec une demande, pratiquer, suivre. Chercher avec application. Trop appliquer pour un job. Consulter le livre là, c'est justement dans tout domaine, dans tout niveau. Ouais, en dedans, vous quittez là, tout ça gagne en seul mot. Consulter le livre là. Alors, religion, qui ça vous dit? Nous dit, nous pas besoin de consulter, quittez-nous consulter le pour vous. Eh bien, qui ça qui passe? Vous prenez vos kits là. Justement, vos kits là gagne tout ça vous la donne. Maintenant, yo pral pran en dans bo kit la, ça qui allait nan sens religion pa yo. Donc c'est li pral dou, ça mais ça vle di. La religion, donc kite nous chercher pour, kite nous consulter pour. Et maintenant, li présente ou yon philosophie humaine au lieu de la foi. C'est ça que fait dans toute doctrine nous gagnons nous ouais non pas gagner la foi. Des fois après le monde dit mais pour qui raison nous dans situation nous y a rien pas qu'à changer alors que nous l'église alors que n'a chanté alors que n'a prié parce que d'un côté nous y a gens nous prend bagaille nous pas rentrer dans nous pas joindre semence là nous joindre des fruits modifiés qui pas gagner en dedans yo pépin hein. Et fruits ça yo, l'on fin manger, nous pas gain graine que nous ka planter pour nous faire fruit pour nous encore. Donc ça veut dire chaque fois nous gain besoin, n'a courir à côté pasteur. L'on gon problème de santé, nous courir à côté pasteur pour prier pour nous. Nous gon problème finance, nous courir, nous fin censé dépendre de pasteur, dépendre de corps enseignant nous, dépendre de directeur l'école nous yo, directeur l'école du dimanche, l'école du sabbat. Nous vins censés dépendre de yo pour qui raison? Parce que nous pas consulté nous-mêmes livre là, nous pas quitté parole bon Dieu a touché jardin qui c'est cœur là avec bon semence parole là pour le porter fruit le porter. Jésus dit ou même l'il nécessaire pour capable consulter personnellement le livre pour discerner ce qui est juste. allez dans le livre personnellement et lisez. Aucun ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, parce que c'est son esprit qui les rassemblera. Oh, depuis longtemps, le prophète Esaïe t'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui va rassembler les saillots. Et l'on a considéré la Bible, puis devant, nous avons pour nous, ouais, formation Bible là. L'on a considéré comment Bible ça, vient retourner un livre qu'on s'allant, mais nous, ouais, pas un autre genre que un miracle de Dieu. Promesse là, t'es déjà faite. Prophétie là, t'es déjà là. C'est son esprit qui les rassemblera. L'église, nous, yo gouvernée généralement par la pensée de la chair au lieu de la foi. Et qui ça y produit? Y produit justement toutes sortes de confusion parce que sans la parole de Dieu à la racine, il n'y aura pas de foi. L'Église besoin tourner dans l'original, tourner dans la source, tourner dans la vraie semence là, qui est la parole de Dieu. Qui c'est fondement au lieu pour y être dans des déclarations modifiées. Le bouton de dit, bon, nous d'accord, la Bible dit tel bagaille, mais le bouton de mais arrivé, qu'on est pépin en parlant encore. Automatiquement, parole ça annule foi. Faites attention pour ça pas arriver de bon côté nous. Psaume 89, verset 34, bon Dieu dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Doctrine, yo gagne des modifications. Yo gagne des déclarations modifiées. C'est comme moi dit déjà, c'est comme des plantes modifiées, génétiquement modifiées. Mais pourtant, la Bible dit clairement. Bon Dieu dit, moi pas changer ça qui saute dans bouche moi. Bon Dieu pas qu'a dit mon bagay qui pas bon jodi ya, et puis pour demain, il vient dire bon ça me dit qui pas bon qu'on y a le bon. Bon Dieu pas qu'a dit jodi ya, ça li impur et puis demain pour tourner dit bon qu'on y a ça pur. Parce que ça te fait impur là. Bon Dieu t'a déjà dit l'impur, c'est même situation qui fait, il est toujours là aujourd'hui et Dieu ne change pas. Donc Dieu ne change pas et parole n'est pas changée. C'est ça qu'il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Mes amis, vous même quand vous entendez nous là aujourd'hui, faut que nous gagnions ça comme yon principe dans la vie nous. Ouais, si nous gagnons ça comme un principe dans la vie nous, vous savez de stress nous pas gagner encore. Gon série de stress nous pas gagner encore. Alors la dernière fois, nous t'ai dit gon belle petite parole qui dit gon seul Seigneur. Seigneur, c'est Jésus, c'est pas moi-même. Faut ça retirer tout stress sur moi. Il y a un seul Seigneur et ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. Donc sous un problème, allez lui parce que c'est lui qui Seigneur, c'est pas moi. Moi qui ça me fait? Moi, répéter ça, Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Moi-même, moi, c'est pour ça, moi-même, moi, pas dit, me prêcher. Prêcher, me dit, répéter ça qui dit, proclamer la parole qui est déjà dite. Mais, moun qui dit, ya, c'est Seigneur. Il y a un seul Seigneur et ce n'est pas moi. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pas seulement celles qui font mon affaire, mais toute écriture. Religion, yo veillez pour eux, c'est cette partie dans la Bible là qui fait affaire nous. Donc c'est yo yo prend comme inspiré, comme gagnant dans une période donnée, gagnant un roi qui t'a décidé tout ça pas aller dans ligne que l'île vleya pour retirer dans la Bible. Tout ça qui pas aller dans ligne que yo vleya pour retirer dans la Bible. Et c'est ça qui fait nous gagner ça yorele aussi et translittération. Translittération ça lié c'est moi yo pas traduit vraiment. Parce que si on traduit ça va bay problème. Pour exemple, le mot baptême. Mot baptême non pas veut dire rien. Parce que moi Dans le grec là, baptizo, li vle di plonger. Donc, dans le temps que yon traduit Bible là, sous temps ça, ça yon te konre le baptême, c'est asperger de l'eau sous tête timoun yo. On voit là que traducteur yon vient un gros problème parce que c'est de l'eau asperger, c'est ça yon le baptême. Or, mot baptizo vle di plonger. Donc automatiquement il y a un problème. Donc si on dit plonger, il mettait toute doctrine ça qui a pratiqué ya en danger. Alors il dit bon, pour nous pas mettre tête dans un problème, il choisit un mot, moa semblé à mot grec là, mais il pas veut dire ça veut dire dans l'autre langue yo. Maintenant avec ça, nous pas aucun monde problème. Donc nous dit baptiser veut dire baptême. Donc on y a c'est où pour qu'on connaît ça baptême nan vle di pou ou est-ce que baptême nan c'est mettre un petit de l'eau sous tête ti moun nan est-ce que baptême nan c'est faire le passer en bon drapeau est-ce que baptême nan c'est faire le volon on dit fait est-ce que baptême nan c'est plonger l'en bas de l'eau donc traducteur yo laver main yo pour pas mettre problème dans tête yo c'est dans sens ça qui fait pour nous comprendre la Bible a dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas ça que fait affaire. C'est pour ça que bon Dieu a besoin que nous qui prenons engagement pour nous parler parole, bon Dieu, nous pas peur aucun monde. Et si nous quittons et vantons nous la main au monde, facilement capable de dire, bon, puisque vente pour la même, alors c'est ça me dit pour dire, bon Dieu, pas bail, petite li, droit pour vente li, al rete la main au monde. Bon Dieu, pas bail, petite li, droit pour bouche li, rete la main au monde. Pour que l'on besoin bouche la parler, pour bouche la ka dit, salve le, dit, dire. Toute écriture, c'est pas une partie, mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour enseigner, pour corriger, je dois prendre la décision de faire de la parole de Dieu l'autorité suprême de ma vie. Pendant toute série d'études, ça, sur la parole de Dieu. Si il y a une phrase qui tournait, c'est fait parole, bon Dieu, à tourner l'autorité suprême de votre vie. Zamim, moi, bon, garanti. Quand vous avez la Bible comme l'autorité suprême de votre vie, ou pas gagné aucun stress encore. Moi, quand parle à là, vérifiez-le, vivez-le, quand la parole de Dieu, c'est lui-même qui est autorité suprême, là. Ou pas peur en rien encore, ou pas peur aucun monde encore, ou pas peur aucune religion encore, ou pas peur aucun chef encore. Parce que ou connaît sous là et moins d'où lorsque ou gagne sous là qu'on s'attache avec bon Dieu ou prend décision pour faire de la parole de Dieu l'autorité suprême de votre vie immédiatement tout le gouvernement du ciel descend pour bord backup. J'accepte ce que Dieu dit même quand je ne le comprends pas. C'est ça que ça veut dire. Faire de la parole de Dieu l'autorité suprême. Le fagon bagay bon Dieu dit ou pas comprendre, mais ou accepter. Pour quelle raison? Parce que Dieu, tu es juste. Et la Bible parle d'impie devant. Tout projet bon Dieu, yo, tous les plans de Dieu sont parfaits. Parfait, vous l'avez dit. C'est 100% correct, pas rien, tout bagaille marche bien. Tout projet de Dieu, les desseins de Dieu sont parfaits. Il dit ça deux fois dans la Bible. Samuel dit lui, David répétait l'ensemble, les desseins de Dieu sont parfaits. Pas rien qui fait défaut là-dedans. Donc, lorsque moi en tant qu'étudiant de la parole, en tant que disciple de Dieu, moi prends ça comme principe la vie. Moi connais tout ça, bon Dieu dit, c'est correct. Alors moi capable de dormir en paix. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui autorité suprême dans ma vie. Alors, même quand je ne comprends pas nos bagailles, seulement ça me connaît. c'est correct parce que Dieu l'a dit et tout ce que Dieu dit est correct. C'est pas parce que c'est logique, c'est pas parce que ça fait mon affaire, ou c'est pas parce que me sentis à l'aise là-dedans, ou c'est pas parce que tout le monde dit que me dois accepter et mettre dans cœur, mettre dans jardin hein, qui c'est cœur moi. C'est seulement si moi vérifier que bon Dieu dit, moi vérifier que c'est la parole de Dieu, à partir de ce moment, moi pral parce que bon Dieu dit. Oh, sinon qu'embé ça comme et boussole dans la vie nous, comme une carte qui guide nous dans la vie, il y a un sérieux de problèmes nous pas guerre encore. C'est pas parce que tout le monde fait que les bons. Nous avons pris l'exemple dans l'histoire. Côté tout le monde, tu es d'accord. On bagaille, mais finalement, bagaille n'est pas bon. Du temps de Hitler, tout le monde est d'accord que juif, c'est ratioé. Mais finalement, ils ont tout été tort. Du temps de Noé, tout le monde a vivi. C'était normal. Tout le monde a accepté. Mais tout périt. C'est pas parce que tout le monde fait que c'est correct. Si bon Dieu pas dit, si la Bible pas vini pour ratifier lui, eh bien, li pas juste, li pas correct, la portée confusion. Vous devez refuser de vous nourrir par des nourritures modifiées de la religion. La religion gagne des nourritures qui c'est des nourritures modifiées. En pile dans nous, Non, système nous manger, façon nous manger, nous, y a plus de monde qui voulait manger biologique. Eh bien, attendez. Spirituellement, faut nous manger tout, manger biologique. Qui ça qui mangeait biologique? Manger biologique là, c'est manger un qui pas modifié du tout. Dans racine, yo, dans ce masse là, il pas modifié. Et ensuite, yo planté la terre sans yo pas ajouter aucun produit chimique pour faire pousser vite. Pour faire li bail grosser rapidement, pour mais li prend temps pour joindre tout nutriments en dans terre naturellement et le ça li bail yon bagay qui biologique. Biologique là veut dire qui gagne la vie là-dedans. Même gens tout dans l'église en pile religion yo nous faisons une série de bagailles poussées vite, une série de doctrines poussées vite, mais qui n'ont pas gagné la vie là-dedans. Pour qui ça n'a pas gagné la vie? Parce que Jésus pral dit, la parole, c'est esprit et vie. Si j'ai besoin de gagner la vie spirituellement, moi obligé de gagner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui... Ma parole est esprit et vie. Manger biologique spirituel là, c'est la Bible. Consulter le livre. C'est comme ça m'a détecté, est-ce que mon aliment biologique spirituel là même ou est-ce que moi gagne un bagay modifié? Moi gagne juste un jus poudre, moi mettre de l'eau, boire le bail jus ou est-ce que moi gagne orange là? Qui c'est un fruit qui bon me priger me joindre jus me connaît jus ça mais toute vitamine que me la donne que comme besoin mais c'est pas juste un jus boissé qui gain sucre un peu panique boire puis me dire c'est jus c'est ça religion yo fait nous yo ba non série de jus qui fait nous gros nèg une série de bagaille qui fait nous main grosseur mais en force c'est zéro. Spirituellement, nous, c'est des chrétiens, quoi choco, quoi, mais grosseur ventre, nous. Nous, gros ventre spirituel, mais en lien même en matière de vie. Pour qui raison? Parce que nous pas consulter directement parole. Lorsqu'on achète ton produit dans la maquette, prends ton lit emballage, là. Même genre tout, quel que soit sa map dou là, quel que soit sa wap tande ya, quel que soit l'autre enseignant wap tande ya, prends ton li emballage là, li parole là. Moi si ton verset pour ou, prends bibou, mettez pause sous sa wap tande ya, à l'an bibou là, l'île pour comprendre ni ou même. Pour ouais, est-ce que sa lap di ya, li rete dans li parole là, ou bien est-ce que c'est parole pal, la parler, la voye bonté? prends ton lit en emballage là. Jésus dit, personne ne vient au Père que par moi. Parce que lui, il est la parole. Lorsque prend-on pour consulter parole là, ou prend-on pour consulter Jésus lui-même. Pas oublier, on te dit, lorsque toucher le livre là, ou toucher Jésus. Et dans tout livre dans la Bible là, Jésus la donne. Lorsque vous lisez, quel que soit ce que vous dans la Bible là, cherchez où est Jésus la donne. Et moi, un petit secret là, je dis. Pas oublier trop pressé, non. Mais moi, un petit secret ça. Bon, bon, bon, vous cherchez dans la vie. Ya. Sous chercher Jésus en dans la Bible là. Vous connaissez? Dès qu'on joint Jésus, on joint tout le bagaille. Ou ver Bible là, ou joint Jésus, et ton joint Jésus, ou joint guérison au besoin. Et ton joint Jésus, ou joint prospérité au besoin. Et ton joint Jésus, ou joint la paix au besoin. Et ton joint Jésus, ou joint patience au besoin. Dès qu'on joint Jésus, ou parce que la Bible dit, bon Dieu, bah nous, le ciel, tout le ciel, li bah nous salle de gagner. De plus grand, le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul pral dit moi, si bon Dieu, pas hésiter, bah nous, propre petit li, qui j'en nous ka fait penser que bon Dieu, pas bah nous, tout l'autre bagaille ensemble avec Jésus. Il est déjà banon Jésus déjà. C'est peut-être ça que fait. Prends temps nous, lis emballage là, consultez le livre. Personne ne vient au Père que par moi. Nous disons déjà, la religion ne vous transformera jamais. C'est peut-être ça que fait, mais il y avait 20 ans, mon nan, dans la même religion, hein. 20 ans, mon nan, prié, 20 ans, mon nan, ancien église, 20 ans, mon nan, pasteur d'église, mais il a toujours été avec même défaut, il a toujours été avec même vieux caractère, pour quelle raison? Parce que la religion pas transformé, oh, c'est gros nègre, ça. La religion, tout ça la fort conformé yo sous expérience yo, sous valeur yo, sous intérêt yo et non sous la connaissance de la parole de Dieu. Or, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui peut transformer yo. Mais yo même, yo pas bon parole là, yo plus bon ça qui aller dans les religions yo. Des fois, yo juste, c'est comme d'agado, yo mettez yon petit couleur parole là sous li. Dans le pays, il y a un peu de chrysocale. Donc, ou y a un bagay là, il parle l'olie, mais on juste souffle un bagay sous l'eau qui baille couleur l'eau. Maintenant, l'eau prend un petit de l'eau, il vient tourner en rouge, même genre, noir, même genre, parce que ce n'est pas l'olie. Quel que soit l'acide, il prend un petit couleur, il te met sous l'eau, il y a parti, mais on vient ouais vrai salier. La religion ne vous transformera pas. Si c'est dans la religion, là, on pense que ça va le transformer ou pas, jamais transformer. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas intérêt, pas religion pour le transformer. Seul ça qui a transformé, c'est la parole de Dieu. Donc, si religion, là, bonne occasion, bonne chance pour vous-même, ou prend parole là, ou l'île ou testel, ou une chance transformer vous-même. Mais si c'est ça y a bon là, ou pensez qu'à transformer ou gagne pile chance. C'est pour ça Jésus dit et pourquoi vous ne discernez-vous pas vous-même de vous-même ce qui est juste. Transformation au besoin hein, c'est pour aller directement là-dedans. Notez lis déjà Romains 12 verset 2 qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, moi tout net, discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Détournez vers les philosophies humaines. Et laissez-vous transformer. Pas oublier la religion. Et moi, dis-nous déjà, l'homme dit la religion, moi, je voulais dire la religion. Toute religion, quel que soit nan soye ya, objectif li, c'est pas transformer. C'est conformer. Mais conformer à qui ça? À philosophie yo, à religion yo. Conformer à façon de penser yo, façon yo réfléchir. Mais sous besoin transformer à la manière de Dieu, pas gen l'autre moyen pour faire que laisser ou même directement touché par parole, pour que semence ça, cette semence incorruptible, ça veut dire qui ça? Si c'est lui-même qu'on prend, il n'est pas capable de gâter, il n'est pas capable de mauvais bagaille. Cette semence, il n'est pas capable de corrompre. Tenez bien, cette semence, la Bible, est incorruptible. Sauf qui voyons sous côté, ce n'est pas la Bible. C'est chrysocal là. C'est juste, yo prend yon bagay de Bible là, retire le contexte li, yo souffle sous zano wa pou ou même ou pense que son lò. Non! C'est pour ça, ou obligé aller ou même nan sous la. Venez dans la parole. Consultez le livre de l'Éternel, dit parole là, et lisez! La Bible, puisque c'est un livre spirituel, bon, je vais là un petit moment. Je me dis spirituel, je voulais dire, c'est un livre de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, je me dis spirituel, ça veut dire qu'il y a rapport à l'esprit. Et les paroles que je vous donne, dit Jésus, sont esprit et vie. Donc, la Bible, c'est ça qui fait la Bible différent de tout l'autre livre. Tout l'autre livre, c'est juste un livre. La parole qui dans tout l'autre livre, yo pas esprit, yo pas vie. Mais les paroles qui sont dans la Bible, c'est la différence, sont esprit et vie. Ça veut dire lorsque m'tendez parole ça yo, yo gen pouvoir pour yo changer la vie. Maintenant, la Bible, c'est un livre spirituel. Et il faut prendre spirituellement cette parole pour mettre l'in en cœur. Parce que le cœur est transformé aussi, est créé aussi spirituellement. Bam, retourner là ensemble avec nous. Lorsque la Jésus pral dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, nous entrons dans petit détail là. Puisque partie dans comme dans moi-même, qui c'est esprit, hein, c'est cœur moi, c'est ça qui régénère, hein, qui naît de nouveau, hein, c'est pas comme moi, avec ventre moi, mais c'est mon cœur, c'est mon esprit, c'est lui-même qui créé par la parole de Dieu qui est esprit, donc qui fait que parole à esprit, comme esprit, et c'est esprit qui est capable de nourrir esprit. C'est esprit qui est capable de comprendre esprit. Donc, c'est pourquoi, quand je dois développer la foi, qui c'est une force spirituelle, m'obliger à prendre la Bible, qui est un livre spirituel, me déposer dans le cœur, qui est un jardin spirituel, et qui pourra produire la foi, qui c'est une force spirituelle. Donc, prends garde pour ne pas valer, pour prendre garde, pour que nous ne pas valer n'importe quoi que yon groupe moun dit, que yon philosophie humaine dit, que nous relions religion, au lieu de ça la Bible a dit. Parce que m'capable valer autant que m'capable philosophie yo, ça pas jamais produit aucun changement, parce que seul côté changement en kasotia, il faut que semence là, même avec terrain. Si semence lancée, la parole de Dieu, l'esprit et vie. Et déposer dans le cœur, la capable pousser parce que mon cœur est esprit et la produit la foi qui c'est la force spirituelle pour me capable vivre sur terre. Donc, l'heure où dit bon Dieu dit, citez verset à vous moi. Vous dites bon Dieu dit, font-y pause sous s'entendre ya. Ensuite, prends Bible, l'île. Mais si mon pas cadeau, mes côtés, bon Dieu, dit là, qu'on est que son détail m'a bail, c'est un commentaire m'a fait, mais c'est pas la parole de Dieu. Le nous croyons que la Bible dit. C'est pour dire dans qui côté il dit. Prends verset là, prends Bible là, prends Bible là, passez page là, dis-lui, montrez-moi, passez page là, montrez-moi qu'on t'a joint, si je ne peux pas joindre. Dans Bible là, connaissez un commentaire que vous avez, ce n'est pas parole, bon Dieu. Consultez le livre. L'apôtre Paul, il y a un groupe chrétien, les chrétiens de Béret. L'apôtre Paul dit, chrétiens ça yo, c'est des chrétiens nobles. Pour qui raison? Verset 11 à 17, il dit, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oh! L'apôtre l'a dit, non? Chaque jour, yo analyse ça yo tande ya pour yo wè si c'est correct. Et l'apôtre Paul dit, li pa prend ça comme une insulte. On a dit, mais c'est gros l'apôtre Paul qui vient ban nou parole. L'apôtre Paul, Jésus rencontre avec elle personnellement avec une grande lumière. L'apôtre Paul marche, il fait une bonne gros l'église. Donc Paul pa prend ça comme une insulte. Là, il dit, Paul, d'accord, nous tente ça, on dit, mais il a tourné dans l'écriture, là, dans le livre, là, dans la Bible. Là. Non, ça, il a gagné la main à disposition. Il a tourné chaque jour la donne pour examiner, pour voir est-ce que ça, pasteur Paul dit, c'est ça. L'apôtre Paul dit, il y a des chrétiens nobles. Il y a nobles. Et il est toujours demandé pour que parole ça yo capable lire. Allons aller dans 1 Thessaloniciens 5 verset 27. 1 Thessaloniciens 5 verset 27. 1 Thessaloniciens 5 verset 27. 1 Thessaloniciens 5 27. Il dit: je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Faut que nous lisons pour tout le monde tendez. Lisez, lisez la parole. Zamim, frère, sem, ou gen chance pour lire. Pas rester sous ça. Lis parole. Parce que tout autant pas lire pourquoi ou pas discerner des petits détails, des petits trucs. Pas courir dit mon mais ça pasteur tel dit qui sa Bible a dit. Pasteur tel c'est un guide. Mais professeur c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit outil que il gagne. Livre de base que il gagne c'est la Bible ou gagne la main. Pas courir vient dit mais ça et directeur l'école moyenne dit, mais non, qui sa Bible a dit? Lisez étiquette là avant consommer produit. Tant pile fois nous achetons bagaille, ça nous pas compte ça li, ensuite nous valil. Dans les ouvelles, nous mettons dans la gauche, nous valil. Ça après, nous dit, oh, m'pas de prendre ça. Même gentou, la Bible, c'est pour l'île, texte là d'où discerner de vous-même ce qui est juste. Mettez yeux sur Jésus, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, les yeux sur Jésus. Lorsqu'on gagne Bible là, on gagne Jésus à disposition, les yeux sur Jésus. Mettez yeux sur feuille là. Mon fils, que tes yeux restent sur mes discours. Parce que le monde qui joigne moi, joigne la vie. Nous montrer ça déjà. Si chaque fois mes yeux dans la Bible, moi ouais Jésus en bas. Donc besoin guérison, Jésus là. Besoin quelque chose en besoin, il est là. Mais mes yeux sur Jésus. Si Jésus est le chemin, même quand ça n'a pas de sens, je ne pourrai pas me perdre parce que je suis déjà sur le chemin. Je suis ici pour mal Ottawa. Je suis et 40 ouest. C'est sur chemin Ottawa amié. Maintenant, quel que soit le problème pour gagner sur route là, je ne suis pas perdu. Je suis sur route là. Yeux sous panneau. mwen gen pan kaoutchou, kelke swa sa mwen genyen, mwen gen lwa mette ma kote, mwen range pan nan, kelke swa sa, men selman sa mwen konen, mwen sou route la, mwen si mwen avanse ti pa ti pa, mwen prive Ottawa. Mes yeux sur la parole. Frères et sœurs bien-aimés, l'important pour que nous connaissons ça, pour que dans la formation, parce que côté nous pour aller ensemble, nous disons ça déjà. Et cette première série, ça, nous mettons là, nous commençons par la Bible. Pour quelle raison? Parce que toute bagaille commence par la parole. Donc si nous avons une base qui est solide, si ensemble nous capables de dire bon Bible là, c'est lui-même qui autorité là. Donc quel que soit le moindre bon, OK, nous allons faire quelque chose avec l'autorité de la parole, automatiquement ou comme qui ça me dit là et vous bien Bible en main et quel que soit côté nous y nous dit bon OK, n'a appliqué autorité nous gagner hein, n'a appliqué lui pour que nous avancer ensemble, automatiquement ou capable faire. Mais il faut que base là établi et base là c'est la parole de Dieu. Nous toutes, nous avons accès à l'e-parole. Le problème, non, c'est que, en pile fois, le nous dit, nous avons accès à l'e-là, en pile fois, nous pensons que ça veut dire, nous sommes capables d'interpréter le pourquoi nous. Chaque monde est capable d'avoir une interprétation à l'e, mais non, ce n'est pas ça. En pendant la réforme, c'était problème, ça a gagné. Puisque tout le monde a accès à l'e-bible, ils pensaient, en pile groupe, pensaient que, bon, nous avons interprété le pourquoi nous avons fait, les religions commençaient à pousser tant coup zèb. Non. La Bible gagne une façon pour l'interpréter. Et façon pour l'interpréter, c'est la Bible lui-même qui baille. La prochaine fois, nous allons voir ça. Mais l'apôtre l'a dit, moi, l'apôtre Pierre, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Ça veut dire pas gagner un groupe qui est capable de venir pour un verset dans la Bible pour dire bon, verset ça, c'est verset PAM. C'est Jean nous fait là qui bon, c'est Jean interprété là qui bon. Donc, l'apôtre l'a dit, aucune parole de l'Écriture, de la prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière. Bible a gagné une route. Bible a gagné une ligne de conduite. Donc, quel que soit ça, je vais l'interpréter, je vais garder ligne. Là. La prochaine fois, dans l'étude, là, nous gagnons pour nous voir ça. Nous gagnons pour nous voir, on a parlé de outils pour nous comprendre la parole là. Chaque parole là gagne côté le gagne droit li diriger tel côté. Donc moi-même le moi li ça me fait c'est pour me suivre côté droit là diriger même pas qu'à virer droit là pour me faire ouais on l'autre côté. Toute parole de la prophétie de ce livre pas capable objet d'une interprétation particulière. Moi j'ai dit bon ça c'est tel verset, verset ça c'est pour tel groupe, verset ça c'est pour tel autre, verset ça c'est pour tel autre, ça ne se fait pas dans le principe de la parole. Donc on pas capable modifier direction que verset à lui-même il déjà prend. Donc au lieu pour yo l'île vous avez accès à lui, vous venez plutôt vouloir traduire, chaque monde traduit dans le sens, et ça va nous permettre que nous gagnions une bonne religion qui pousse une sous l'autre. Cependant, il faut que nous toujours rappelons nous, que la Bible a un sens. Il faut nous chercher, comprendre sans ça. Et bon Dieu, il dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement. Selon Moala, selon tout ce qui est écrit, c'est pas jongler là. Selon ce qui est écrit, pour agir. Donc l'homme lit là puisqu'il a une route, une direction déjà prend. Donc on va agencer la vie selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès. Donc important. Mettez parole là à priorité dans la vie. Nous, comme moi, nous avons remarqué, nous retournons sur ça parce que c'est fondation à nous poser. Nous avons passé fait, nous avons marré fait, parce que nous avons couler béton. Que la Bible, c'est lui-même qui priorité dans la vie. Nous chemin pour le faire ensemble. Là. gros et bâtiment spirituel ça que nous allons construire. Base là, c'est la parole de Dieu. Méditez parole là, méditez-li. Méditer avle dit, mettez-o toujours constamment dans environnement parole là, ambiance parole là. Pour capable agir selon parole là. Mot agir ça, son mot nous joigne 2633 fois dans la Bible. Il y a tout 39 livres Ancien Testament pour agir fidèlement. Donc, mot ça, aza, livre dit, bon, alors, on l'autre mot quitte encore. Livre dit, en aller, faire. Livre dit, donner, disposer, exécuter, agir, entreprendre, acquérir, apprêter, pratiquer, exercer, montrer, commettre, accomplir, user, avoir, traiter, produire, préparer. Ouais, bon, quitte ça. La donne, livre dit tout ça. Donc ça veut dire, lorsque ma prend un verset dans la Bible, là, c'est pour me garder direction verset, là, pour m'entrer dans le bokit là, pour me prendre mot en dans le bokit là, qui allait dans la direction verset. Là. On commence à nous des techniques d'interprétation là. Donc, l'important pour que j'aime sous parole là. Méditez-le, étudiez-le, cherchez-le, fouillez-le. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La prochaine fois, nous parler comment pour nous entrer dans l'interprétation Bible, comment pour nous étudier parole là et des clés, des techniques qui pourraient permettre que nous arriver remporter des victoires et quitter foi nous construit pour nous capables gagner une foi solide à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.